Si l'on pioche pic-pac dans la terre ou dans la roche, dans la mine, dans la mine, dans la mine, dans la mine, où un monde de diamants brille. On pioche pic-pac, pic-pac, pic-pac, du matin jusqu'au soir. On pioche pic-pac, pic-pac, pic-pac, tout ce que l'on peut voir. On pioche les diamants par ponceaux, les sacs de rubis par quintaux, pour nous en parler. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu,

qu'à 3 mois. Je suis toujours là, car je suis ton ami. De bonheur, pétrifiant de peur, de qui clap, petite pluie d'avril tombe du ciel en joli diamant. Clap qui clap, petite pluie d'avril, ta mélodie est un enchantement, enchantement, enchantement. Clip, clap, clip, clap. Clap qui clap, quand le ciel se voile, ton pierre fin et du bleu dans nos cœurs. Clap qui clap, j'ai roulé des toiles, peint l'arc-en-ciel de couleur du bonheur. Comme elle est jolie ta musique, clap qui clap, petite pluie d'avril, l'arbre de joie, symphonie de cristal. Clap qui clap, petite pluie d'avril, dans la forêt d'une nain récitale. Clap qui clap, quand le ciel se voile, clap qui reflap, on refrain et du soleil dans nos cœurs. Clap qui clap, quand le ciel se voile, clap qui reflap, on refrain et du soleil dans nos cœurs. Ciel comme elle est jolie, ciel comme elle est jolie, la chanson de la pluie, la chanson de la pluie, dans l'orage fait l'harmonie. Chaque goutte est une musique, on écoute et que l'on goûte, c'est le bonheur au goutte à goutte. Clap qui clap, petite pluie d'avril, clap, clip, clap, petite pluie d'avril, qui n'a jamais le chant de dément. Franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie. De la même façon, comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets peut être aussi barbare? Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors, vois ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des quacks à gogo. Tu veux un dire baba? J'en ai des tas. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi, je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser, le voir marcher sur scène. Comment ça s'appelle? Pied. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter et danser, flâner le long de ses. Comment ça s'appelle? Rue. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas, je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Les hommes comprennent, j'en suis certaine, et leurs filles peuvent aimer sans frayeur. Fameuse sirène, fameuse humaine, j'ai fait mon choix. Moi je veux savoir, moi je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce que le feu? Pourquoi est-ce qu'il, quoi déjà, brûle? Un jour viendra, je partirai, je partirai sans aucun regret. Vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas. Sébastien. La bonne étoile, la fée bleue secoue son voile et vient t'accorder ce qu'on a demandé. Quand on prie de tout son cœur, il n'y a pas de faveur qui ne soit bientôt une réalité. Ariel, écoute-moi, chez les humains, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mais tu ne pourras pas trouver sous l'océan. Sous l'océan, doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où il bosse toute la journée, esclavagé et prisonnier, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Les poissons se fendent la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut, ils s'écaillent et ils flippent à tourner dans leur bocal. Le bocal, faut dire, c'est l'exage chez leur copain cannibale. Si misier poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh non, sous l'océan, sous l'océan, y a pas de courbouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non. Sous l'océan, y'a pas d'action. On déambule, on fait des bulles. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. vie est super, mieux que sous la terre, je te le dis. Tu vois les surgeons et la raie se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est la dynamique sous l'océan. Triton, au flûteon, la carpe joue, la rap, la race casse, la basse, c'est les rois du rap, macro, au saxo, le turbo, au bongo, le lieu et le dieu, la sonde, ouais. La ré, au djembé, gardon, au violon, les sols, rock'n'roll, le ton, garde le ton, le bar et le sprat, se marre et s'éclate, vas-y, s'ouvre le monde, ça c'est certain. Nous le jazz band et tous les copains. On a des crimes qu'un poupée de jean-jack sous l'océan. Les limas des mers au rythme d'enfer sous l'océan. Et les bugons nous pour donner le tempo. C'est frénétique, c'est fantastique. On est en transe, faut que ça balance sous l'océan. Ariel? Oh, il faut quand même bien que quelqu'un lui cloue la nageoire à celle-là. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous en fout. Ça suit comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis. Quelle calamité. Zadadadamolé. C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. Ben, c'est un gâte, le seul qui sache sa chaîne à swinguer. Dis donc, danserait encore la gigue avec des nattes. Quand tout le monde devait devenir un gâte. Une cloche, quoi qu'il joue, bientôt ça vous rend fou. Ça swing comme un pied. Oh, rinky tinky tinky. Oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Oh, rinky tinky tinky. Oui, tout le monde veut devenir un gâte. Parce qu'un chat, quand il est gâte, retombe sur ses pattes. À jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde qui est dingue du swing des quatre. milliers de couleurs cette chanson. Il n'y a qu'à jouer en d'autres clés, modulées, oh oui ça me plaît, car j'adore faire certaines petites variations. Les autres chats vont s'assembler dans la ruelle mal éclairée. La grande nuit va commencer. Nous les laisserons à l'ombre s'aimer. Peter, comment est-ce qu'on va là-bas? En volant, bien sûr. En volant? C'est facile. Pour voler, il vous suffit de... Il suffit de... Ça, c'est bizarre. Mais que se passe-t-il? Tu ne t'en souviens plus? Oh, si, mais je n'y avais jamais réfléchi auparavant. Ça y est, je sais, il suffit de rêver d'aventure. On doit rêver d'aventure? Comme d'explorer le monde, l'univers, la lune. Oui, regardez-moi, je m'envole. Comme un rossignol. Il s'envole. Il s'envole. Il s'est envolé. À toi, Wendy. Je pense aux sirènes de la lagune. Oh, elles sont si belles sous la lune. Moi, je pense que j'explore une épave. Moi, je pense aux indiens forts et bruns. Viens, à toi, on décolle. 1, 2, 3, on s'envole, on s'envole, on s'envole. Je ne comprends plus, ça marchait au début. Il suffit d'y croire dur comme fer. Oh, mais j'oubliais quelque chose. La poussière. La poussière. La poussière. Yop. Juste un peu de poussière d'atmosphère. Michel, rêve ta vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Allez, on essaie, encore une fois. Oh, ça y est, je m'envole, quelle joie. Regardez-moi. Tu dégringoles. Mais moi, je vole. On s'en va. On s'en va. En avant, les amis, nous partons. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu vas des ailes qui vont d'elle nous tourterelles et là-haut dans le ciel. Tourne dans le vent, sous la planète d'argent, décolle et va, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Là-haut, seul dans l'univers, brille une étrange lumière, c'est le beau pays imaginaire. Imaginez le futur, faire des rêves d'aventure. C'est voyager sans boussole, laisse tes soucis sur le sol et comme un rossignol. C'est là-bas, Wendy. La deuxième étoile à droite est tout droit jusqu'au matin. Un ciel d'Italie, on t'appelle per la notte. Et sous les cieux, des étoiles belles les cieux, on t'appelle per la notte. De parler comme des amoureux. Si c'est l'amour qui vous appelle, de tout cœur répondez-lui. Oh, nuit, belle nuit, dans les cieux c'est écrit, quelle belle, belle. Et cette princesse, c'était vous? Qui devint amoureuse? Est-ce que ça a été difficile? Ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui. Était-il fort et beau? Était-il grand? Très grand? Il n'a pas son égal dans le monde entier. A-t-il dit qu'il vous aimait? Vous a-t-il volé un baiser? Il est si merveilleux, comment résister? C'est sûrement Cruella, ta chère compagne de classe, Cruella d'enfer. C'est ça. Cruelle diablesse, cruelle diablesse, elle jette tant de sorts à toute la ville. Oh, Roger. Chacun a le frisson dès qu'il la voit. Cruelle, cruelle, elle semble une araignée guettant sa... Roger, si elle t'entendait... Cruelle, cruelle diablesse, d'abord on prend Cruelle pour un diable, et puis après avoir reçu le choc, soudain on s'aperçoit qu'elle est là devant soi, vous guettant suspendu sous un roc. Alors, comme Roger. Un vampire qui vous fait frémir, il faut qu'on l'enferme dans une cage de fer. Je n'en connais pas qui soit plus perverse que cette cruelle diablesse.